une histoire particulière. Nous étions hier dans la tourmente d'une catastrophe maritime, à bord d'un monstre d'acier. Autour de nous, la mer, le tangage, les grincements du bateau et les bruits de moteur. Il y a 40 ans, c'était le 16 mars 1978, une fuite d'huile suivie d'une avarie de gouvernail, et voilà l'Amo Cocadis dans une lente et définitive dérive vers les côtes bretonnes. Le pétrole va se répandre irrémédiablement vers la côte et les plages du village de Port-Sal. Rien ne pourra l'éviter. Aujourd'hui, nous revivons la bataille que les habitants de Port-Sal ont menée contre le mazout et retournons avec Nejma Bouakra et Thomas Beau sur les plages avec ceux qui ont participé au nettoyage de la catastrophe écologique. Oui, je suis le patron du Mater Christi. Oui, j'ai assisté au naufrage, oui. Ah bon, vous étiez là et vous avez vu venir le pétrolier? Oui, je l'ai vu apparaître à l'horizon. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé que en 1967, c'était quand même une chose impossible. Et malheureusement, cela s'est produit. Oui, le bateau n'a pas dévié du tout de sa route. Il allait toujours tout droit. Non, il a continué tout droit. Le coup de vent annoncé pour la fin de l'après-midi sur l'île balaye ce rocher plat de 1 km de long où se dressent une centaine de petites maisons blanches. Les habitants de Saint contemplent avec angoisse les larges plaques de mazout qui souillent les rochers et les galets des plages du sud de l'île. Et ce crachin qui pénètre dans les vêtements ajoute un peu plus de tristesse à ce décor. Mais le maire de Saint, M. Leroy, est fier de ses pêcheurs. Hier, lorsqu'on a su ici que le Boleyn avait coulé avec son équipage, les marins de l'île ont sauté dans leur barque et leur petit chalutier pour aller tout de suite porter secours aux naufragés. À Ouessant, la brèche de l'Olympic Bravery lâche toujours ses 4 litres de pétrole à la minute. Les hommes grenouilles hollandais du Barracuda font ce qu'ils peuvent, mais les vagues de 5 mètres de haut les projettent à chaque fois contre la coque du pétrolier. Mission tout aussi impossible d'ailleurs pour les 100 militaires du contingent qui n'en finissent pas de gratter les rochers à chaque vague et la mer renvoie aussitôt le mazout. Pourquoi n'a-t-on pas pompé le pétrole en février alors que l'Olympic Bravery était à flot et que la mer était calme? Question sans réponse. Le fantôme de l'Amo Cocadis. Alors après, il y a eu bien sûr l'Erika et le Prestige, mais ce n'était pas l'englument total comme nous on a connu en 78 avec l'Amo Co. Épisode 2. Un documentaire de Nejma Bouakra et Thomas Beau. C'est toujours, enfin presque tout le temps à l'entrée en Manche, ou en tout cas proche de la Manche, parce que quand on est en Atlantique, on a une houle très longue, et quand on arrive en Manche, on a une houle qui est beaucoup plus courte et qui est beaucoup plus cassante pour les bateaux. Le Tagno, c'est un bateau, c'est quand même assez scandaleux, c'est un bateau qui avait été rallongé, il avait été coupé en deux, il avait été rallongé pour mettre quelques cuves en plus, et quand il a navigué en Manche, il était pas entièrement plein, mais enfin, il y avait quand même du pétrole. Et il se trouve que la proue et la poupe se sont trouvées en haut de houle. Et donc, le bateau n'était plus porté au centre. Enfin, il s'est cassé en deux. C'était pas votre première marée noire? Oh, si. On a eu un peu comme ça, des fois, des plaques qui venaient sur les cailloux, mais pas comme là, quoi. Torrey Canyon? Ah oui, ça c'est dans le nord, ça. Non, on n'a pas eu. Oui. Mais quand on était gamin, Alexis, nous, on voyait, oui. Des fois, à Port-Zaviline, on avait les pieds pleins de mazout, il y avait des grandes plaques. Oui, ça c'était les bateaux qui dégazaient en mer. Alors, il y avait beaucoup d'oiseaux mazoutés à l'époque, on trouvait, quand on était gosse, on courait après, on ramassait les oiseaux mazoutés. Mais il n'y avait personne pour les nettoyer à ce moment-là. On les laissait. C'était comme ça. L'Amo Cocadis n'est pas un accident isolé. L'Amo Cocadis arrive après une longue série de 4 en 10 ans. Avez-vous déjà vu des bateaux sans quilles rester figés droit dans l'eau et des oiseaux marcher sur une mer noire pour s'y enfoncer? Cette fois-ci, c'est la fois de trop. Un sentiment de tristesse et de colère s'élève sur les rives. Pas parce que cela arrivait d'ailleurs, mais parce que cette fois-ci, les gens étaient désabusés. C'était atroce. La mer était lourde, un peu comme une tôle ondulée. Ça fait un espèce de bruit métallique et l'on n'entend pas un oiseau. Cette glu, ces vagues emprisonnées, la mer était calme. Il y avait juste une petite brise, et donc il y avait juste des petits rouleaux. Ça faisait une espèce de ululement dans ces rouleaux de pétrole qui étaient quasi physiques, quasi figés pendant quelques instants. Une étrangeté absolue. La mer. C'était la mère qui était morte. Mémoire vive, Amo Cocadis. J'avais à cette époque-là 17 ans. Le lendemain, quand je me suis réveillé, il y avait un bateau en face de chez moi. Et il y avait une odeur très très forte en fait. Et donc on pensait que dans un premier temps que c'était la cuve à gasoil qui avait suinté ou percé. Et donc mes parents étaient allés voir ce qui se passait. Et au final, on s'est aperçu quand le jour s'est levé que le bateau était juste devant chez nous. Juste une odeur. Juste une odeur et un bruit sourd, plus de ressac. Donc on est à 100 mètres de l'eau. Et le ressac de la mer contre la plage ne s'entendait plus. Le silence. Un bruit plutôt sourd que le silence, un petit bruit quand même, mais glauque, sourd. Et le matin, vous vous précipitez vers la plage ? On descend et mes parents vont voir ce qui se passe. Et évidemment, on le voit déjà, le monstre de bateau derrière les îles de Port-Sal. François Talmarin. Et surtout, l'eau qui commence à être noire de partout, donc, et des poissons morts déjà le matin. Ça avait œuvré pendant toute la nuit. Et donc, le gasoil qui fuit de partout. Quoi. C'est la première fois que vous voyez un pétrolier de si près ? J'avais vu déjà un pétrolier échouer quand j'avais été sur Ouessant. C'était un petit pétrolier qui était drossé sur la côte de Ouessantine. Mais ici, c'était un monstre de 300 mètres de long, quoi. Donc avec 230 000 tonnes de pétrole, quoi. C'est un truc énorme, quoi. Donc par rapport aux petits bateaux qu'il y avait dans le port, les plus gros bateaux de l'époque, c'était 12 mètres. Là, on avait un truc qui faisait 300 mètres de long, quoi, du jamais vu sur Port-Sal, quoi. On les voyait croiser au large, mais jamais d'aussi près, quoi. Il entre par effraction dans votre vie, ce pétrolier ? Oui, déjà, c'est... On est vivant dans un cocon, on est assez éloigné de tout, et surtout à cette époque-là, c'était les moyens de locomotion. On n'allait pas sur Brest une fois par semaine, ou rarement. Alors quand un pétrolier qu'on voit croiser au large, mais qui vient d'Arabie Saoudite, on ne sait même pas où c'est, ça vient brutalement dans nos vies. C'est un peu l'apocalypse, c'est un truc inimaginable, et un peu la fin du monde. Quoi. On voit tous les trucs qui arrive et on se demande pourquoi c'est arrivé là. Et après, quand on sait l'histoire, évidemment, que c'est l'histoire de négociation, de pour de l'argent, en fait, qu'au final, on se chope un pétrolier qui s'échoue parce qu'ils n'ont pas voulu négocier en temps et en heure le remorquage du bateau. Quoi. Donc c'est quand même assez triste. Quoi. Loïc Courrouge, la marée noire a démarré à Port-Sal et puis progressivement, tout doucement, elle est remontée pendant de longs mois jusqu'au Trégor. Ouais. Vous êtes tout au bout. On est au bout, oui. Mais malgré tout, c'est le tout début, moi, qui m'a impressionné parce que c'était le soir des élections que cette annonce-là est tombée. Et je pense que dans la famille, il n'y a que mon père qui l'a vraiment entendu. Et mon père était marin sur un pétrolier. Et il a tout de suite pris la mesure de ce qui allait se passer. Et il nous a dit, ben écoutez, dans une semaine, Bréa sera touché. On n'y a pas cru. Enfin, je crois qu'on s'est défendu d'y croire. Et le lendemain, la première chose que j'ai fait, c'est de descendre à la mer, évidemment. Et puis d'aller du côté du Sillon. Du Talbert. Voilà. Et puis la mer était belle, hein, comme d'habitude. Et puis, je suis rentré chez moi un peu rassuré, retourné discuter avec le père, il m'a dit, mais non, c'est... on en aura. Et du coup, je me suis rapproché des amis que j'avais dans le secteur ici, on a commencé à discuter, et c'est arrivé très vite chez vous. Les premières traces sont arrivées le 21. Le navire s'est brisé la nuit du 16 au 17. Donc ça a mis 4 jours pour avoir les premières traînées, et à partir du 23, tout était englué. Et comment apparaissent justement les premières flaques ? Quand on a découvert ça, c'est vraiment un choc. C'est-à-dire qu'il y a des tas de mots qui ont été proposés, tous plus ou moins familiers. Nappe de pétrole. Pour moi, la nappe, c'était plutôt celle du dimanche. Il y a un terme qui m'a complètement halluciné, c'était mousse au chocolat. Et c'était vraiment de la mousse. C'était une espèce de produit, une émulsion... qui n'avait aucune consistance, sauf de bien coller et d'être absolument intransportable, sauf avec des outils. Mais à l'époque du naufrage de la Moukakadis, je me souviens, j'étais à la maison. Et je suis allé avec ma femme et mes enfants voir la Moukakadis. Et ce qui me frappe encore, ce qui m'a frappé à cette époque-là, c'est que les maisons, les pignons de toutes les maisons aux alentours étaient noirs. Alors que vous savez très bien que les pignons des maisons bretonnes sont blancs. Les pêcheurs ne peuvent pas partir en mer, ils savent très bien qu'ils risquent de casser leur moteur dans le pétrole. Ron Lostis. Puisqu'il faut un moteur, c'est refroidi par l'eau de mer, pas par le pétrole. Donc les pêcheurs restent à terre, les marailleurs sont arrêtés, enfin une grande partie du commerce est arrêtée. Ah nous c'est la ruine, hein. Nous c'est fini pour nous. Si on sort, on va brouiller notre moteur, et où c'est qu'on ira de plus? La pêche ici à Port-Salle, c'était quoi? Ben, le lieu, le bar et le mulet. Et les homards et les araignées. Alors, maintenant, allez, jusqu'à ras-le-bol. On a mis des millions, là. Ben, où c'est qu'on ira maintenant des millions? Dans 8 jours d'ici, il n'y a plus, hein. Fini. Tout, c'est la ruine pour tous les pêcheurs et les mouniers, Port-Salle et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on vient de plus? On est obligé de rester comme ça. Les premiers gestes, c'est tout le monde est sidéré. Personne ne peut rien faire. On manquait de tout. On avait réquisitionné toutes les poubelles, les petites cuillères qu'on trouvait partout pour essayer de ramasser le pétrole. C'est là que j'ai entendu un camarade de la fac des sciences de Brest qui m'a dit « Il y a des camions qui viennent d'arriver entièrement chargés de ciré, de bottes, etc. Je vais pas venir jeter un coup d'œil. » J'ai dit « Si, j'arrive tout de suite. » Et nous sommes allés de nuit, oh, 10h du soir, on a sorti un camion de 2,5 tonnes qu'on a dirigé vers l'ampoule poubelle maison. Et le lendemain, tout le monde était équipé. Mission accomplie. C'était de nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Alors, pour ce faire, on mobilise tous les agriculteurs avec leurs tracteurs et leurs bennes pour creuser des trous dans la dune. On met des bâches en plastique et puis tout le monde avec des poubelles, avec comme on dit, le couteau, la fourchette et puis avec des petits moyens vont déverser dans les trous tout le pétrole qu'ils peuvent ramasser. En fait, quand le pétrole est arrivé, on a ressorti, on disait en rigolant, les mêmes petites cuillères que pour le Torrey Canyon. C'est-à-dire qu'il y avait les poubelles, il y avait les râteaux, il y avait les fourches. Il y avait même qui prenaient à la main dans les anfractuosités de rochers. Tout le monde est là en voisin, en fait. En voisin, un petit peu comme un jour de deuil, les gens venaient au bord. Ils venaient voir. Évidemment, on se sent un peu petit par rapport à ce monstre de fer et ce cataclysme qui est arrivé sur nos côtes. Donc évidemment, on essaye de faire tant bien que mal. Dans les mois après, on se retrouve à nettoyer les plages. On s'occupe du ramassage des oiseaux mazoutés, on en parle. Donc, mais on se sentait un peu trop petit, quoi, par rapport à l'État était présent, mais pas avec de gros moyens. Au fur et à mesure, on se rendait compte de l'impossibilité qu'on en avait d'agir, en fait. La vie marine commence au bord de la mer, vraiment au bord. C'est là le problème, c'est que le mazout en ce moment est juste au bord de la côte et c'est là où naît la vie. Ça n'est pas dans les grandes profondeurs, c'est au ras de la côte. Et si nous n'arrivons pas à débarrasser la côte de ce mazout, eh bien tout va être étouffé, tout va mourir. Des oiseaux par milliers. Il vole vers les feux par milliers, il tombe par milliers, il se cogne par milliers, aveuglé par milliers, assommé par milliers. Carbo fait naufrage. Au début, les gens voulaient ramasser. Les premières petites nappes qui arrivaient, les gens ils ramassaient avec des seaux, avec des pelles, avec ce qu'ils avaient. Et puis la quantité est devenue énorme. Ça prenait des proportions ahurissantes. Plus le temps passait, plus il y en avait. Est-ce qu'on demande aux enfants de s'écarter peu à peu des plages ? Bon, alors à l'époque, vraiment personne n'avait conscience de la dangerosité. Et il vous faudra attendre donc que les premiers équipements arrivent, ainsi que la mobilisation d'une partie de l'armée pour continuer le travail que les civils auront décidé de refuser de continuer à faire au bout d'un mois. Mais c'est vrai que ce sont les militaires qui se sont vraiment coltés de boulot après. Parce qu'on en avait assez de... C'était pas le premier échouage, c'était pas la première marée noire. Il y avait eu le Tour et Canyon, il y en avait eu 4 ou 5 avant, dans les Côtes d'Armor, etc. Donc, rien n'avait été fait. Rien n'avait été prévu. Donc, c'est juste après qu'ils ont commencé à vendre le pont Polmar, par la suite qui est arrivé, mais à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Quoi. Le plan Polmar, qu'est-ce qui ne vous convient pas ? Il est prévu pour intervenir dans des rades fermées, dans des ports, mais jamais en haute mer. Il est complètement ridicule. Ce sont des boudins qui flottent. On n'arrête pas une marée noire avec ça. De toute façon, on ne peut pas arrêter une marée noire. On ne peut pas. La Marine nationale a déversé des tas de produits plus nocifs les uns que les autres pour essayer de faire couler le pétrole au fond de la mer, en détruisant donc la biodiversité sous-marine. Et sans y parvenir. Les trois quarts du pétrole sont arrivés à la côte. Pourquoi est-ce que l'on critique le plan Polmar ? Dès que la marée noire a commencé, les scientifiques ont dit qu'il ne faut surtout pas employer de produits chimiques, ce qu'on appelait des dispersants. Or, ils ont été massivement utilisés pour nettoyer les côtes, et notamment les rochers, avec de l'eau chaude auquel on mélangeait du détergent, des dispersants. Alors, officiellement, on avait dit, bon, peut-être en mettre, mais du 1%. Dans la réalité, ils mettaient beaucoup plus. Moi, je me souviens avoir interrogé un soldat, je voyais que ça moussait drôlement. Je lui ai dit, mais combien vous en mettez ? J'engage la discussion. Oh, il me dit, je sais pas. Le chef, il m'a dit, t'en mets jusqu'à temps que tu vois que ça fait de l'effet. Et ça faisait de l'effet. Je suis sûr qu'il y a des endroits, il y a 10-15%. Ce qui fait que les endroits qui ont été nettoyés, la faune a eu beaucoup plus de mal, la faune et la flore, a eu beaucoup plus de mal à revenir que les endroits qui n'avaient pas été nettoyés. Donc il aurait fallu déjà peut-être écouter un petit peu plus les scientifiques. Donc les gens voient l'incapacité de Polmar à régler le problème qui se pose. Donc non seulement on n'a pas su prévoir et prendre des précautions pour une catastrophe n'existe pas, mais en plus on ne sait pas réparer quand ça arrive. Yvon Rochard. Les préfets, les sous-préfets, les autorités de l'État disaient « Ne vous inquiétez pas, pour le 1er juillet, les plages sont propres. » La promesse était que ce serait propre et que Giscard puisse venir se baigner. Il n'a pas osé. Dernière édition de l'été 78, le bilan de la pollution. Avec un invité, Michel Dornano, ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, avec un exemple, celui de la Bretagne. 1,5 million de touristes ont déserté cette année la Bretagne pour cause de pollution. Le mal est fait et qu'il est là pour longtemps. Écoutez, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que vous présentez des affirmations comme ça, d'une façon abrupte, qui sont des certitudes et qui vont loin. Vous dites 1,5 million de touristes ont déserté la Bretagne pour cause de pollution. Il y a des touristes aussi qui ont déserté les côtes normandes, par exemple, cet été. C'était pas pour cause de pollution. J'imagine que le temps a eu sa part, a joué. Vous dites qu'à l'heure actuelle, il y a... Mes affirmations sont aussi celles du directeur régional du tourisme en Bretagne. Pardon ? Ces chiffres, je les ai pris auprès du directeur régional du tourisme. Oui, non, mais le directeur régional du tourisme vous a dit qu'un 1,5 million de touristes avaient déserté la Bretagne. Il vous a pas dit ? Aujourd'hui, radioactif demain. un des principaux acteurs qui se mobilise à ce moment-là, c'est le maire de Pluydamézou, Alphonse Arzel. Comment vous le décririez, cet homme ? C'était un cultivateur, simple cultivateur. Il n'était pas de mon bord, c'était mon copain quand même. J'avais un énorme respect pour lui. Je connaissais son caractère. Il était obstiné, pas têtu. Nous ne sommes pas têtus, nous sommes persévérants. Comme on dit, quand on croche dans quelque chose, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on ne lâche rien. Gwenola Morizur, petite fille d'Alphonse Arzel. Quand le ministre de l'équipement arrive à Pluydamézou et puis il dit voilà, nous on va se réunir avec l'État pour décider des mesures à prendre, et Alphonse lui dit bah, je veux être présent, voilà, je veux être au fait de tout ce qui va se passer, et lui dit vous êtes juste le maire de la commune, vous êtes là pour rassurer la population, alors rassurez les gens et dites-leur que tout va bien se passer. Et là il s'est dit non mais ça m'était jamais arrivé de me faire envoyer sur les roses de cette manière-là. C'est pas possible, quoi. Et c'est là où il s'est dit, je réunis les autres maires et on va faire quelque chose, nous. Et je pense que ça, pour lui, voilà, c'est le point de départ de ce qui a été 14 ans de sa vie ensuite. Yvon Rochard, il semble que les maires du Trégor et puis ceux du Finistère ne soient pas entendus à Paris, et donc ils vont jusqu'à Paris, et puis ils y vont pour se faire entendre. Oui, alors ils vont à Paris, si mes souvenirs sont bons, on est alors en 81, hein, c'est-à-dire après le Tagno, c'est-à-dire qu'il y a le naufrage de la Moco, tout le mouvement qui se structure doucement, de façon compliquée. Puis arrive le naufrage du Tagno. Alors là, on s'amusait toujours à dire que c'était une sorte de carburant qui venait, le pétrole du Tagno avait servi à renouveler un peu l'énergie des élus, etc. Et là, effectivement, il y a un nouvel élan qui se crée. Le Tagno, 2 ans après, c'est vraiment le naufrage de trop, mais celui-ci est très très mal vécu. La coupe déborde, le pétrole déborde de la coupe, et à ce moment-là, il décide d'aller manifester à Paris. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de dire que on est dans le pouvoir giscardien, hein, donc de droite, le Léon est de droite, le Trégor de gauche, mais le Léon va s'associer, les élus du Léon, qui sont très majoritairement de droite, vont s'associer et vont être de cette manifestation. Ils y vont, alors si je me rappelle bien, ils se réunissent place de la Concorde, je crois, hein, où ils se retrouvent face à un cordon de CRS. Or, ils sont députés, sénateurs, et tous portent leur cocarde tricolore et se font arrêter et même matraquer. Alors, c'est un petit peu un grand mot, il n'y a pas de blessés, etc. Mais les CRS sortent leur matraque. Je me souviens d'ailleurs du maire de Perros-Guirec qui revient avec une matraque de CRS qu'il a subtilisée et qui, au retour, l'a brandie en disant « Voilà comment nous avons été traités à Paris, traités par le pouvoir central. » Alors, côté judiciaire, la longue bataille commence, ce n'est pas simple. La France présente la note à payer 1,6 milliard pour les communes sinistrées, plus 1,2 milliard pour l'État. Vous avez fait le calcul, M. Arzel ? Oui, mais je dis que l'État s'est bien tiré d'affaire, puisque comme il avait des factures, le juge Magard, qui était chargé de notre affaire, n'a pas hésité à donner le règlement des factures qui avaient été réglées par l'État, effectivement. Nous, notre bataille était tout autre, puisqu'on se battait sur notre terrain, qui n'était pas de dire le temps passé par les militaires ou par les bateaux ou par les produits que l'on utilisait. Nous étions partis pour créer de la jurisprudence et faire payer cher à quelqu'un qui, finalement, mettait en l'air tout le système écologique de nos plages. Nous avons voulu créer la jurisprudence en disant il faut rembourser, faire payer ces dégâts écologiques que nous avons subi de plein fouet. Dès l'instant où on pense qu'il faut viser à la tête, donc la compagnie Amoco, eh bien, c'est une compagnie de droit américain. Donc, il est logique de mener le procès sur son terrain aux États-Unis. C'est à ce moment-là que les élus vont décider de contacter un des grands cabinets américains spécialisés, qui va donc prendre l'affaire en charge. Les maires et leur avocat sortent un mémorandum. C'est un petit mémorandum qui va les sauver. Ce qui va les sauver, effectivement, c'est que les avocats américains vont trouver un document qui montre que Amoco était au courant de la panne de gouvernail, qu'il fallait réparer et que non, nous ne nous ferons pas, ça coûtera trop cher. On attendra une prochaine mise en cale sèche pour réparer. Donc, on ne va pas le faire. Et ce document, on le retrouve dans des tonnes de documents, parce qu'il y a eu une saisie de documents par les avocats américains qui était gigantesque. Bien, on m'a parlé d'un hangar, on me l'a décrit, je n'ai plus tout à fait en mémoire, mais c'est considérable, quoi. Ils ont des tonnes et des tonnes de documents. Ils le trouvent. Ils trouvent en plus un témoin qui vient confirmer. Et c'en est fait, du coup, de la défense d'Amoco, qui va donc être rendue responsable. Cela dit, pour démontrer que la compagnie est responsable, ça va être très compliqué, parce qu'ils ont une construction juridique qui fait que l'affréteur n'est plus la même compagnie, le propriétaire du bateau non plus, etc. Et on finit par une petite société qui a simplement une plaque, et personne à l'intérieur de la pièce d'ailleurs, à Monrovia, qui est propriétaire du bateau. Donc, il faudra tout le travail des avocats et du juge pour montrer que la responsabilité des décisions prises, il va la remonter de société en société pour arriver à Amoco International, qu'il condamnera donc comme responsable de la catastrophe. Qui est responsable? C'est vraiment ça la volonté. Les élus considèrent que leur dignité ne sera retrouvée que quand on aura montré le coupable, et c'est eux qui vont œuvrer pour montrer ce coupable-là. Amoco est responsable. Le bout de l'ancre de l'Amoco Cadiz est resté sur le port. Il donne la direction du pic, le rocher Goulven, qui se découvre quand la mer haute devient basse. Sur ce roc, le monstre de ferraille est resté harponné longtemps, le ventre sous la mer. Je faisais un peu d'apnée, donc et déjà, les quelques temps après, on a vu des poissons déjà atrophiés, c'est-à-dire avec des nageoires en fait carrément mangées. Les poissons plats surtout, tous les poissons de roche, comme les vieilles, ils avaient disparu de la zone au moins en question. Et après, on a commencé à plonger en bouteille. Donc, on a été visiter l'épave qui était vraiment gigantesque. C'était impressionnant dans l'eau. C'est comme si on voyait un mort, évidemment, et qu'on le voit et on se rapproche pour voir vraiment s'il est mort, s'il gémit pas, s'il perd pas encore de son pétrole. Donc, c'était une façon de pas de le domestiquer, mais au moins de voir qu'il est pas si mauvais. Mais bon, il est mort, quoi. Donc, maintenant, passons à autre chose, quoi. Jour de houle. En pleine mer, des plongeurs traversent la carcasse promenée par les courants, les tôles chantent, cacophonie au murmure, le temps passe, le château est décaloté, l'étrave sera emportée par le vent, l'épave renversée, et puis un jour, l'Amoco Cadiz disparaît. Tout autour de l'hélice, il y avait des petits rochers tout au fond, le fond était assez gris, et sur chaque rocher, il y avait la vie qui revenait, il y avait une araignée sur chaque rocher, donc ça faisait vraiment la vie par rapport aux monstres marins qui avaient dégueulé sur nos plages des montagnes de pétrole, et à côté de ça, la vie qui reprenait petit à petit, l'espoir qui revenait, quoi, tout doucement. Merci à Yvon Rochard, journaliste, à Odile Guérin, naturaliste, à Loïc Corouge, artiste plasticien, à René Lostis et Gwenola Morizur. Pour leur aide précieuse, Erwan et Tanguy Kermarek, Claire Daniel, à Carole Peter et au plongeur Yves Gladu pour sa prise de son sous-marine, à Lina Isabelle Lefort-Rendu, à la prise de son Yann Fressy, au mixage Jean-Michel Bernot. Le fantôme de l'Amoco Cadiz, un documentaire de Nejma Bouakra et Thomas Beau. Coordination Christine Bernard. Une histoire particulière, c'est fini. Si vous aimez les histoires, écoutez dès demain lundi et toute la semaine Sonia Kronlund à 13h30 dans Les Pieds sur Terre. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous allons visiter un château hanté, ou pas, mais c'est une autre histoire.